Greta Chanteur. Je suis un peu hurleur, j'ai un peu hurlé sur ce morceau que j'adore. Merci beaucoup à toi aussi. Le groupe Enslaved, un groupe que j'adore, qui sera au Hellfest cette année encore une fois. Ils sont venus plein de fois et ça fait bien plaisir. Bonsoir, bonsoir. J'adore évidemment Enslaved, du black metal. Finlandais ou norvégien, je ne sais plus. Je vais vérifier ça. Enslaved, norvégien, ouais. Et c'est le dernier live avec le morceau In Times, extrait de l'album In Times, sorti en 2015. Et là, on retrouve les mélodies un petit peu plus pop de Dragon Force, le dernier. Oh, c'est bon ça aussi. Ça n'a rien à voir, mais c'est bon. Comme du groupe. Yeah. Septième album de ce groupe qui s'appelle comment? Blind Guardian, j'allais dire. Dragon Force. Ouais, bon, ça va. J'étais en train de discuter en fait sur Internet. Il y a plein de gens qui discutent avec moi. Évidemment, je dois répondre. Dragon Force, leur huitième album. Déjà? Putain, déjà ça passe, hein. Ça file. Franchement, le nouvel album sort. Reaching into Infinity. Et leur deuxième album est vraiment scotché à donf. Sonic Firestorm, je vous le conseille bien évidemment. Sonic Firestorm, et oui, Dragon Force. J'adore. C'est quoi ça? Je crois que j'ai déjà passé quelques semaines, mais c'est pas grave. J'adore ce morceau, Flame Colors. Avec à la batterie, l'ancien batteur de Dream Theater. Welcome to the fast machine. Oui, mais à l'instant, dans l'émission Parasite, évidemment, je réponds aux messages en même temps, je fais tout à la fois. Je suis seul dans le studio ce soir, mais ça fait du bien. Parce que, bon, la semaine dernière, on avait Venin, et il faut s'occuper de tout, de l'organisation et tout. On fait un petit symbole, un petit signe, parce que Jean-Marc, je crois, nous écoute en ce moment dans l'émission Parasite. Donc ça fait plaisir, évidemment, le concert hier était vraiment fabuleux. Ah, baby. Vivement le prochain. Venin, on l'a écouté dans l'émission Parasite. On revient en arrière, encore une fois, avec Black Knight, un vieux groupe hollandais qu'on aime bien de l'époque. Dans l'émission Parasite avec le groupe que l'on adore, Black Knight. C'est un groupe canadien, pas hollandais. Je crois que j'ai dit qu'ils étaient hollandais. Je ne sais plus. J'adore ce groupe. Il s'est formé en 1981, qui a splitté, mais qui n'a sorti qu'un seul album, Master of Disaster, sorti en 1985. 85. C'est pas le premier single de Venin. C'était pas prévu de l'émission Parasite ce soir. Je rajoute un petit morceau. Eh oui, on adore. Hier soir, c'est le feu. Oh yeah. classique. Le single. Vu à la télé. Venez avec leur single. Passe-temps, évidemment. J'adore. Et ça revient en force avec tous ces groupes qui reviennent des années 80. J'avais fait une petite parenthèse. La semaine dernière, on a eu Venin, donc évidemment, dans les studios de Play FM. On n'a pas eu le temps de repasser un petit peu de Bastive. Bastive, qui a fait un petit slow, que j'adore. Qui a été mal chroniqué à l'époque dans Enfer Magazine. Mais quand même, j'adore. On va écouter ça. Allez, c'est parti. C'est bientôt la fin de l'émission. Merde. Across the rainbow. Oh, remember your dream. Bad Steve sur Play FM. Oui. Comme dans les années 80, je pince mon nez. Thomas. Flash Info. Play FM à Bédarit sur 89.9. Oh yeah, baby. Spéciale dédicace pour tout le monde. En fait, c'est l'émission Parasite qui continue. Avec un peu de blues. Un peu de blues envenimé. voyez ce que je veux dire? C'est pas un serpent, c'est pas Whitesnake. C'est Snake Charmer. Le serpent qui charme. Le serpent qui charme, oui, bien sûr, c'est pour vous. Avec sa grosse queue. The full moon is rising, burn a hole in the sky. Well, it's gonna take to fly. Êtes-vous prêt pour Fly FM, hein? Je ne sais pas. Hein. Êtes-vous prêt pour les mouches? Je ne sais pas du tout. Snake Charmer, donc le charmeur de serpent, en fait, hein, on peut dire ça, avec une grosse queue derrière. Mais bon, c'est leur second album, Second Skin, deuxième peau. Ça veut dire deuxième peau. Deuxième album avec les anciens Whitesnake, hein, Whitesnake évidemment, le serpent blanc. Allez, on part en Allemagne maintenant. Ils seront à Nîmes, aux arènes de Nîmes cet été, au mois de juillet. Soyez là, soyez au concert. Tout le monde à sa place, bien sûr, moi aussi. Im Salz verdirrt, trag ich den kleinen Prinzen Sinn, ein König ohne Königin. Rendez-vous, évidemment, cet été à Nîmes pour les arènes. Évidemment, c'est complet, bien sûr. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il reste des places à vendre. J'en vends plein. Contactez-moi. Je les vends très cher. Mais c'est rien que pour vous. Ok ? King's Cross. Give me a bite, give me a light bulb and make sure it's bright. Oh yeah. Give me the moon, or give me everywhere. Give me some powder to spread up in the air. Up in the air. Let me take my thoughts away to think about another day. Remember Ah oui, c'est bon ça. King X, j'adore évidemment, je chante dessus. Hein. Bien sûr, vous avez remarqué, j'ai gâché le morceau. King X sera en France dans pas très longtemps, ce sera le 22 juin 2017. C'est pas loin ça. Hein. Rock School Barbet à Bordeaux, réservez vos places, ils ne viennent pas au Hellfest. Et ça fait chier, ça fait chier. Oui, c'est vrai, un petit peu quand même. Un petit peu. Bon, allez, on va pas tarder de finir l'émission par vite. Je sais qu'il y en a plein qui aiment ce morceau. Only. Bring this motherfucking roof down, what do you say? Only version Trax avec John Bush. Only! Only! Only! Vous pouvez chanter dessus. Only! Only! That's it. Allez, le mieux c'est de chanter, mais aussi d'écouter. Keep it up, keep it up, keep, keep, keep it up! Oh yeah! Spécial dédicace à Turbo Jean-Louis, qui reviendra bientôt dans l'émission Parasite. Oh yeah! Allez! Chantez sous son cœur pour la fin de l'émission Parasite. Oh yeah! Merci, on t'aime beaucoup. John Bush. Oui. On t'aime énormément, évidemment. John Bush, le chanteur de Anthrax. Merci. Merci à toi. Bonsoir. On aimerait que tu reviennes quand même, c'est, ça fait bien. Voilà. Non, je suis ému. Allez, on revient à cet album génial qui va tourner en boucle cet été dans mon lecteur CD dans la bagnole. The Unity. Avec les anciens gamins qui attendent le retour de Kay Hansen. The Unity. Keep all the spite now that everything is burning in this vacant game. We're all as the same. C'est bon ça. C'est bon. The Unity, en fait, un groupe allemand. Évidemment qu'on vient d'écouter de Dortmund. Très belle ville. Où j'ai jamais été. Quoi ? On fait une émission parasite avec du death metal ? Eh oui, c'est comme ça. Sentinex. À la semaine prochaine. À toutes et à tous. On se retrouve pour la fête des mers. On va leur faire la fête. On va leur faire la fête. À 21h, c'est l'émission la plus métal de la bande FM. Au programme, vous retrouverez tous les artistes et les acteurs du hard rock, du thrash, du death et du black metal. De nombreuses nouveautés seront dans l'actualité chaque semaine, ainsi que les découvertes de nouveaux groupes. Les annonces de concerts ainsi que les interviews seront au programme. Alors n'oubliez pas, le dimanche soir, sur Fly FM, Parasite, 21h-23h.